Section 30 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 30. Au pays des Mormons. Par le comte d'Ossonville. Nous arrivons à Ogden, à la nuit close, et nous descendons, le chapelain, le mormon et moi, dans une complète obscurité, sur le trottoir en bois de la gare. « Je pense qu'on sera venu à ma rencontre, » nous dit notre ami. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'il tombe dans les bras de 4 grands jeunes gens qui l'entourent et lui serrent les mains avec force exclamation de joie. Un peu en arrière se tient un vieillard, auquel le jeune mormon va serrer la main à son tour, avec une certaine déférence. Nous supposons, le chapelain et moi, que c'est son père, et nous nous tenons à l'écart. Mais au bout de quelques minutes, il revient vers nous. « Mon père n'est pas ici, » nous dit-il. La veille du jour où est arrivée la dépêche annonçant mon retour, il est parti pour amener ses 2 femmes à mon frère, qui est missionnaire dans l'État d'Arizona. Mais ce n'est pas une raison pour que vous ne veniez pas chez nous. Ma mère sera très heureuse de vous recevoir, et mon oncle, que voilà, viendra passer la soirée avec nous. Nous nous consultons un moment. En effet, le cas devient embarrassant. Admettant que la mère de notre ami nous fasse, sur sa recommandation, bonne figure, quel accueil recevrons-nous des 4 autres femmes du maître de la maison absent. Cependant, embarqués dans l'aventure, nous voulons aller jusqu'au bout et nous lui déclarons que nous sommes prêts à le suivre. Nous montons alors avec lui dans un petit bogey, conduit par un de ses frères et traîné par 2 bons chevaux qui nous font traverser rapidement la petite ville d'Ogden. Par moments, une vive clarté se projette sur la route obscure. Ce sont des magasins éclairés par la lumière électrique. Nous sortons de la ville et notre voiture finit par s'arrêter à la porte d'un petit jardin, précédant une maison de modeste apparence. Notre ami saute à terre et traverse rapidement le jardin. Nous le suivons. Il ouvre la porte et s'élance dans la pièce d'entrée en s'écriant « There I am !» Aussitôt, une femme d'un certain âge se lève précipitamment. « My boy » s'écrie-t-elle, et se jetant à son cou, elle le tient longtemps embrassé. Cependant, 4 ou 5 jeunes filles de tout âge poussent des cris de joie et sautent en battant des mains autour d'eux. Le jeune homme embrasse chacune d'elles à son tour, pendant que sa mère s'essuie les yeux, riant et pleurant tout à la fois. Je me sens émue par cette scène à laquelle je ne m'attendais pas et par une conséquence naturelle un peu embarrassée de mon personnage. J'avais oublié que si le père de notre ami avait 35 enfants, sa mère n'en avait que 7 et j'avais eu bien tort de supposer, en me faisant ainsi la fête, que les liens de famille étaient moins forts chez les mormons que chez les chrétiens. Cependant, nous ne sommes pas oubliés. Après quelques mots d'explication de ses fils, la mère vient à nous, fort simplement, et nous souhaitant la bienvenue, nous invite à nous asseoir. Nous prenons place, et pendant que le chapelain, derrière lequel je ne suis pas fâché de m'effacer un peu, soutient la conversation, je regarde autour de moi. La pièce où nous sommes, éclairée par une grosse lampe à pétrole, et chauffée par un poêle, est assez petite, très propre et garnie d'un mobilier très simple. Contre la muraille, un canapé en velours rouge. Autour d'une grande table ronde, quelques chaises en paille. Dans un coin, un harmonium. Sur les murailles, je lis quelques inscriptions pieuses. « God bless our home. Pray without ceasing. » Sur la table, je reconnais la grosse Bible, relié en noir, qui est le livre de famille de tant de maisons protestantes. à l'aspect de tout ce qui nous environne, je pourrais croire que nous sommes tombés dans un de ces intérieurs puritains de la Nouvelle-Angleterre, si bien décrit par Madame Beecher Stowe dans La fiancée du ministre. Mais je trouve la pièce bien petite pour toutes les femmes et tous les enfants du chef de famille, et je me demande quelle est l'organisation de leur vie domestique. Poussé sans doute par la même curiosité, le chapelain adresse à notre ami quelques questions discrètes, auxquelles celui-ci répond sans le moindre embarras. « Toutes les femmes de mon père, nous dit-il, ne demeurent pas dans la même maison. Chacune d'elles en a une dont elle est chargée. Vous êtes ici chez ma propre mère. Deux de mes demi-mères, half-mothers, demeurent de l'autre côté du chemin. La quatrième a une maison à Ogden, et la cinquième demeure dans un autre village, à 2 ou 3 miles. Quant à tous ces garçons et à toutes ces filles que vous voyez ici, la chambre s'était en effet remplie peu à peu. Ce sont mes frères ou mes demi-frères, mes sœurs ou mes demi-sœurs, mais je les aime tous également. » Et il les embrassa tous en effet, dans un regard affectueux, auquel chacun et chacune répondit par un sourire d'assentiment. Satisfait de cette explication, je me pris à regarder les physionomies qui m'environnaient. Les garçons étaient des gaillards délurés, à l'air intelligent et résolu. La mère avait une physionomie distinguée, douce, expressive, mais l'air un peu triste et harassé. Elle était, nous dit-elle, norvégienne de naissance. Je me demandais intérieurement par quel chemin mystérieux, par quelles aventures de cœur et d'imagination, cette femme avait pu passer pour venir des rivages de la mer du Nord jusqu'au versant des montagnes rocheuses, être la cinquième femme d'un mormon, et quel regret de la terre natale, des fjords et de ces sapins de la Norvège se cachait derrière cette physionomie placide et résignée. Parmi les sœurs du jeune mormon se trouvait une petite fille d'environ 10 ans. Je la pris sur mes genoux. J'ai un faible pour les petites filles, et je lui demandai comment elle employait son temps. Elle me répondit qu'elle allait à l'école et que dans les intervalles, elle apprenait sous la direction d'une de ses sœurs la couture et un peu de musique. Tout en écoutant son gentil babil, je ne pouvais penser sans tristesse à la destinée qui l'attendait probablement, à cette existence de harem sous les aspects de laquelle il m'était encore impossible de ne pas considérer la vie des mormones. Et cependant, j'étais bien obligée de convenir, à part moi, qu'il était impossible aussi d'imaginer un intérieur plus décent, plus respectable, plus uni, au moins d'apparence que celui où je me trouvais. La conversation languissait cependant. « Faites-nous donc un peu de musique, Suzy, » dit notre amie à l'une de ses sœurs. Sans se faire prier, la jeune fille se dirigea vers l'harmonium. Je prêtai l'oreille avec attention, m'attendant à entendre quelques mélopées extraordinaires. Mais elle nous joua tout simplement la valse de la Traviata. Cette pauvre dame aux camélias, je savais bien que sous un nom ou sous un autre, elle était en train de faire le tour du monde, mais je ne m'attendais pas à la rencontrer aussi loin. Nous passons dans la salle à manger. J'allais m'asseoir sans façon, quand je vois que tout le monde est encore debout. « Voulez-vous avoir la bonté de dire les grâces ?» dit le jeune mormon en s'adressant au chapelain. Celui-ci, sans témoigner aucune surprise, récita à haute voix, tout le monde l'écoutant dévotement, cette courte et belle prière commune aux protestants et aux catholiques, dont on fait précéder les repas dans les intérieurs pieux des deux communions. Puis nous nous mettons à table, la mère et une des sœurs, la cuisinière probablement, servant et s'asseyant tour à tour, comme dans l'intérieur de nos riches fermiers. Le repas fini, nous repassons dans la première pièce. À ce moment, entre l'oncle de notre ami, celui que nous avions rencontré à la gare. « Je vais vous laisser avec mon oncle, » nous dit-il alors. « Si vous avez quelques questions à poser sur notre foi et sur nos mœurs, il sera mieux que moi, en état de vous répondre. Pour moi, je vais, si vous le permettez, passer dans la chambre à côté, pour causer avec ma mère et mes sœurs, car nous avons bien des choses à nous dire. » Ainsi fut fait, et nous demeurâmes, le chapelain et moi, en tête à tête avec le vieillard. Notre nouvel interlocuteur était un homme d'assez grand âge, mais droit, sec, vert, aux traits plutôt ascétiques. Il était entré dans la chambre, un grand bâton et une lanterne à la main, la tête couverte d'un chapeau de feutre noir à large bord et enveloppé jusqu'aux pieds dans un épais manteau de drap retenu à son cou par une chaînette en cuivre. Ainsi, mon imagination se serait assez volontiers représenté le vieux Silla Deans de la prison d'Édimbourg, le père de Jenny et de la malheureuse Effie. Nous étions un peu embarrassés, car même lorsqu'on y est invité, il est toujours délicat d'interroger un homme sur sa foi et surtout sur ses mœurs. Notre chapelain, auquel je laissais naturellement le dé de la conversation, finit cependant par lui demander « Y a-t-il longtemps que vous demeurez dans le pays ?» Cette question banale suffit pour rompre la glace. « Oh, oui, » répondit le vieillard, « je suis un des rares survivants de ceux qui sont arrivés ici avec Brigham Young. Vous savez qu'après l'indigne massacre du chef de notre religion, Joseph Smith, dans la prison de Carthage, Brigham Young rassembla tous ses disciples, pour lesquels il n'y avait plus de sécurité dans l'État d'Illinois, où ce crime affreux s'était passé, et qu'il entreprit, conformément aux ordres qu'il avait reçus de Dieu en songe, de les conduire à travers le désert, vers une nouvelle terre promise. Ah, le chemin fut rude. Il n'y avait pas de chemin de fer alors. Il n'y avait même pas de route tracée dans les prairies. Et à l'exception peut-être de quelques chercheurs d'aventure, personne n'avait traversé la chaîne des montagnes rocheuses. Hommes, femmes, enfants, nous voyagions tous à pied ou dans des chariots, et nous étions obligés à la fois de trouver à nous nourrir et de veiller à nous défendre contre les animaux sauvages et contre les Indiens. Les Indiens étaient ceux que nous redoutions le moins. Nous allions à eux. Nous sommes, leur disions-nous, des victimes, comme vous, des proscrits, comme vous. Laissez-nous passer. Et ils ne nous faisaient point de mal. Mais ce n'en fut pas moins un dur exode. Et la seule chose qui soutenait nos courages, c'était la pensée que nous ressemblions aux Israélites dans les déserts et la confiance que, comme eux, Dieu ne nous abandonnerait pas. Brigham Young ne nous disait pas où il nous conduisait. Peut-être ne le savait-il pas lui-même. Il se bornait à nous dire que Dieu, dans une vision, lui avait fait voir l'endroit où nous devions nous arrêter. Enfin, lorsqu'à 3 ou 4 journées de marche des montagnes rocheuses, nous sommes arrivés sur les bords du lac Salé, que vous verrez demain, et qui ne portait alors aucun nom, Brigham Young s'écria « C'est ici, le lieu que Dieu m'a fait voir en songe, où nous allons construire une nouvelle Sion. » Et c'est en effet sur l'emplacement de notre dernier campement que nous avons construit la ville que vous appelez Salt Lake City, mais que nous, nous nommons Sion. Nous n'étions pas cependant au bout de nos peines, car il fallait vivre et la contrée était absolument inculte. Nous nous sommes adonnés aussitôt à l'agriculture et nous sommes toujours restés depuis un peuple agricole. Mais il s'est écoulé bien du temps avant que les produits de nos travaux fussent suffisants pour satisfaire à nos besoins. Bien souvent, je me rappelle m'être promené mourant, presque de faim, dans le petit jardin que je cultivais, et avoir regardé avec angoisse si les légumes que j'avais plantés poussaient assez rapidement pour subvenir à mes repas des jours suivants. Mais grâce au Tout-Puissant, ces épreuves ont pris fin. Sa bénédiction s'est étendue sur moi, comme sur les autres enfants de son peuple. Et je suis aujourd'hui, sinon riche, du moins dans l'aisance, comme le sont devenus au reste tous ceux que vous appelez les Mormons, grâce à leur foi, à leur persévérance dans le travail et à la pureté de leurs mœurs. Tout ce long récit avait été débité avec une gravité et une émotion concentrées, qui produisirent sur moi une certaine impression. Je ne sais s'il en fut de même du chapelain, mais en tout cas, ce fut avec beaucoup de sérieux qu'il lui demanda. « Ainsi, vous croyez que votre peuple est l'objet d'une protection particulière de Dieu, comme l'était autrefois le peuple d'Israël, et que c'est sa main qui vous a conduit ici. C'est notre conviction, reprit notre interlocuteur. Nous sommes un peuple biblique, a Bible people. Aussi, tandis que vous nous appelez Mormons, sans doute à cause du livre de Mormon, qui est en effet un de nos ouvrages sacrés, le nom que nous nous donnons à nous-mêmes est celui d'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, en souvenir de l'Église des saints des premiers jours, auxquels nous nous efforçons de ressembler, et nous appelons comme eux gentils tous ceux qui n'appartiennent pas à notre foi. Nous avons conservé, en effet, autant que possible, l'organisation de la primitive Église, dont nous nous croyons plus près qu'aucune communion chrétienne, et nous avons la ferme croyance que nous sommes appelés par Dieu à prêcher et à répandre par tout l'univers la révélation de Joseph Smith, qui n'est que le complément de la révélation chrétienne. À ces mots, notre figure, au chapelain et à moi, exprima probablement une certaine surprise, car il reprit avec vivacité. « Je vous étonne, n'est-ce pas? Voilà bien comment vous êtes, vous autres gentils. Vous nous jugez sans nous connaître et vous nous calomniez. Vous ne savez qu'une chose des Mormons, c'est qu'ils pratiquent la polygamie. Et vous en concluez que nous sommes un peuple débauché, païens, adorant peut-être des idoles. Vous ne savez pas que nous croyons tout ce que vous croyez et qu'il n'y a pas un article de foi de la religion chrétienne qui ne soit adopté par nous. Seulement, nous croyons autre chose encore et nous avons complété la révélation chrétienne par la révélation de Joseph Smith, que nous considérons comme le plus grand bienfaiteur de l'humanité après le Christ. Ainsi, vous croyez tout ce que nous autres chrétiens, nous croyons, dit le chapelain, non moins étonné que moi. Parfaitement. Voulez-vous me permettre de m'en assurer mieux encore? Je vais réciter le symbole des apôtres et vous aurez la bonté de m'interrompre s'il y a quelque article que vous n'acceptez point. Ainsi fut fait, et le chapelain récita lentement, d'une voix grave, le symbole des apôtres, le mormon faisant de la tête un signe d'assentiment à chaque article. Quand le chapelain eut fini, « Il y a un article, dit le mormon, que nous acceptons, mais que nous n'interprétons pas tout à fait comme vous. C'est celui de la descente aux enfers. Nous croyons que pendant ce temps, le Christ est venu en Amérique apporter la bonne nouvelle à ceux des enfants d'Israël qui était venu à travers les mers peupler ce continent. C'est l'histoire de ces peuplades dispersées du peuple de Dieu qui est racontée dans le livre de Mormon, dont l'existence et la découverte furent une des premières révélations de Dieu à Joseph Smith. Nous mettons ce livre au même rang que la Bible et les évangiles que nous acceptons dans leur entier. Nous avons les mêmes sacrements que vous, le baptême et la communion, dont nous faisons un usage très fréquent. Seulement, nous avons conservé le baptême par immersion, tel qu'il était pratiqué dans la primitive Église, et nous croyons que c'est une impiété d'en avoir changé la forme. « Mais alors, dit le chapelain, prenant son courage, si vous acceptez les dogmes du christianisme, vous devez aussi accepter sa morale. Comment pratiquez-vous donc la polygamie ?»« Je vous attendais là, reprit le vieux mormon avec feu. La polygamie, c'est toujours ce qui préoccupe les gentils quand ils parlent de nous. Ils croient que c'est la pierre angulaire de notre foi, et ils ne savent pas que ce n'est qu'un accessoire dans nos croyances. Mais je vous répondrai sur ce point. La polygamie, et vous n'en disconviendrez point, formellement autorisée par la Bible, et nous ne voyons nulle part dans l'Évangile qu'elle soit formellement défendue. En ayant chacun plusieurs femmes, nous croyons d'abord mettre en pratique le précepte que Dieu a donné aux hommes au commencement du monde. Croissez et multipliez-vous. La polygamie favorise le rapide développement de l'espèce. Comme il y a toujours un certain nombre d'hommes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se marier, on voit chez les gentils un grand nombre de vieilles filles qui consument inutilement leur vie dans la stérilité et dans l'aigreur. Rien de semblable chez nous. Toutes les filles trouvent un mari. Ensuite, nous croyons que la polygamie favorise la pureté des mœurs. Oh, je sais bien ce que vous dites à ce sujet. Vous croyez que nous sommes des hommes semblables aux pachas d'Orient, adonnés à la volupté et à la luxure, que nous vivons dans une sorte de harem peuplé, non d'épouses légitimes, mais d'esclaves favorites et choisies au gré de nos caprices, et que dans nos rapports avec elles, nous ne cherchons que la satisfaction de nos fantaisies et de nos passions. C'est une erreur profonde. Le lien conjugal n'est pas moins en honneur chez nous que chez vous. Chacune de nos épouses a, sauf de très rares exceptions, sa maison et son foyer. Chacune a droit aux mêmes égards, à la même tendresse, et un mormon ne pourrait pas commettre un plus grand péché que de favoriser l'une aux dépens des autres. Si même cette faveur se traduisait ouvertement, s'il vivait toujours avec l'une et négligeait les autres, l'autorité civile, qui se confond chez nous avec l'autorité religieuse, ne tarderait pas à intervenir, et il serait l'objet d'une réprimande publique. Il doit, au contraire, demeurer successivement avec chacune d'elles un temps à peu près égal, et autant que possible, aller voir chaque jour celles avec lesquelles il ne demeure pas pour le moment. Ainsi fais-je avec mes deux femmes, ainsi fait mon frère avec les siennes. Chacune d'elles est aussi respectée, aussi chérie par nous que pourrait l'être une épouse unique. Et parce que nous avons le cœur assez large pour partager ainsi notre amour entre plusieurs, nous ne nous croyons pas inférieurs à ceux qui prétendent n'aimer qu'une seule femme. Note. À en croire un livre publié il y a 3 ans par une mormone revenue de son erreur sous ce titre « Women's Life in Utah ». La condition des femmes ne serait pas aussi douce et elles auraient, au contraire, beaucoup à souffrir de l'indifférence et des infidélités de leur mari. Je ne prétends rien affirmer, dans un sens ni dans l'autre. Je me borne à rapporter ces 2 témoignages, également intéressés. Fin de note. Je crus remarquer que les yeux de notre interlocuteur commençaient à briller d'un éclat qui ne sentait pas seulement l'ardeur religieuse, et je me demandais si l'oreille du satyre ne perçait pas sous le masque du fanatique. Le chapelain était évidemment résolu à n'engager aucune controverse. Aussi se borna-t-il à demander « Est-ce qu'il n'arrive pas qu'il s'élève entre vos femmes des querelles suscitées par la jalousie qui troublent la paix de vos intérieurs ?»« Sans doute, reprit le mormon, cela peut arriver quelquefois. Suzy peut se plaindre qu'on témoigne trop de tendresse à Bessie ou Bessie qu'on témoigne trop de tendresse à Suzy. mais ce sont de ces légers nuages qu'un bon mari sait bien vite dissiper. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des querelles dans vos intérieurs monogames? Tenez, voulez-vous me permettre de vous parler franchement? Et ici, le vieillard s'anima et commença à s'exprimer avec une certaine éloquence. Vous autres peuples qui pratiquez la monogamie, vous prétendez à des vertus que vous êtes incapables de pratiquer. Vous n'avez et vous n'aimez, dites-vous, qu'une seule femme. C'est à merveille. Mais combien y a-t-il parmi vous de maris qui prennent des maîtresses et combien y a-t-il de femmes qui prennent des amants? Chez nous, l'adultère est inconnu. Et si une femme commettait un adultère, je ne sais si nous ne la lapiderions pas selon l'ancienne loi, tant le crime serait grand à nos yeux. Demain, en vous promenant dans les rues de Salt Lake City, vous ne verrez pas un seul enfant, abandonné ou mendiant. Combien y a-t-il sur le pavé de vos grandes villes d'enfants qui ne connaissent pas leur père? Chez nous, les naissances illégitimes sont inconnues. Nous prenons soin de nos enfants et nous les faisons instruire. Si vous rencontrez un ivrogne, ce sera un gentil, ce ne sera pas un mormon. Ce n'est pas que l'usage du vin nous soit formellement interdit, mais il nous suffit d'avoir lu dans l'Écriture les péchés que l'ivresse a fait commettre aux enfants d'Israël pour que nous nous tenions en garde contre elle. La principale différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que nous observons notre loi, tandis que vous n'observez pas la vôtre. Aussi sommes-nous convaincus qu'un jour ou l'autre, le monde nous rendra justice et que c'est par nous qu'il sera régénéré. Pendant que le mormon débitait avec une âpreté singulière cette diatribe contre les sociétés chrétiennes, dans laquelle j'étais obligé de reconnaître qu'il entrait bien un peu de vérité, j'entendais dans la pièce à côté un bruit incessant de voix juvéniles, de portes qui s'ouvraient et se refermaient, d'exclamations joyeuses et d'embrassades sonores. C'étaient évidemment les frères et les sœurs de notre jeune ami qui venaient lui souhaiter la bienvenue. Parfois, la porte de notre petit salon s'ouvrait et une des jeunes filles, probablement chargée du soin de la maison, venait mettre une bûche au poêle qui ronflait doucement. Ou bien, elle s'occupait de préparer nos chambres et traversait la pièce, portant à la main des brocs ou des serviettes. Blonde, fraîche, avec une jolie taille et de grands cheveux flottant sur son dos, elle ne manquait pas d'un certain charme. Pour moi, qui m'imaginais assez sottement, j'en demande pardon à mes lecteurs, mais peut-être quelques-uns partageaient-ils mon erreur, que mormon et mormone avaient des mœurs et des toilettes à eux particulières. Je me demandais, en regardant tout ce qui m'environnait, ce petit salon si décent d'aspect, des inscriptions pieuses sur les murailles, cette grosse Bible sur la table ronde, si je n'étais pas le jouet d'une mystification, et si tout à l'heure on n'allait pas m'apprendre, avec force éclat de rire, que je me trouvais tout simplement dans l'intérieur d'une famille protestante. Je fus cependant convaincu de la réalité de mon séjour au pays des Mormons, lorsque, rentrant dans la chambre avec sa mère et ses sœurs, mon jeune ami me présenta à une de ses demi-mères qui était venue également l'embrasser. Il était temps d'aller nous coucher. On me donna le choix entre partager le large lit du chapelain dans la plus belle chambre de la maison, la chambre du mari sans doute, ou bien avoir à moi, seul, dans une petite pièce, la jouissance solitaire d'une couchette assez étroite. Trouvant que la première proposition avait quelque chose de part trop patriarcale, j'optai pour la couchette, où je m'endormis avec peine d'un sommeil un peu agité. Je rêvais que je m'étais fait mormon, que j'étais devenu le mari de plusieurs femmes, et que, faute sans doute de savoir aussi bien m'y prendre que le vieux mormon, je ne pouvais arriver à faire vivre en paix Suzy Bessie et plusieurs autres encore. Le lendemain matin, réveillé un des premiers, je sortis de la maison et je cherchai à faire connaissance avec l'endroit où nous avions passé la nuit. Il faisait un temps froid, mais clair, et à quelques lieues de nous, la ligne sombre des montagnes rocheuses se dessinait nettement sur un ciel bleu pâle. La maison de notre hôte était située un peu en dehors de la petite ville d'Ogden, au centre d'un grand verger. Dans ce même verger étaient semées d'autres maisons plus petites, dont les unes semblaient également des maisons d'habitation, les autres de simples dépendances. De l'autre côté d'un chemin assez large, je remarquai une maison basse et longue, environnée de bâtiments agricoles d'une certaine importance. Comme je regardais tout cela, en me demandant par qui toutes ces habitations pouvaient bien être occupées, je vis sortir de la maison une des jeunes filles avec lesquelles nous avions dîné la veille. Elle portait une robe de mérinos bleu et une large capeline blanche, sans doute pour préserver du soleil son teint des plus roses. Comme elle me souhaitait le bonjour au passage, je lui demandai, pour engager la conversation, où elle allait si matin. « Je rentre chez moi, » me répondit-elle. « Je ne demeure pas ici, mais dans cette grande maison de l'autre côté du chemin. C'est la maison de ma mère. Je suis venue passer la soirée hier chez ma demi-mère parce que j'avais envie de voir mon frère et aussi parce que j'avais de l'ouvrage à faire. C'est moi, » ajouta-t-elle, « qui suis chargée de tenir en état le linge et les robes de la famille. Comme nous sommes 17, vous pensez qu'il y a de la besogne. Mes sœurs m'ont laissé cette tâche sur ma demande parce que je trouvais le housework trop dur et que cela me fatiguait. » Tout cela dit avec beaucoup de gaieté et de l'air le plus satisfait du monde. J'aurais eu assez envie de poursuivre la conversation et de lui demander comment elle envisageait la perspective d'être un jour la troisième ou quatrième femme de quelques mormons. Mais nous fûmes interrompus par l'arrivée du chapelain et de notre jeune ami qui, en quelques mots, me mit au courant de leur vie de famille. Dans cette grande maison longue que vous voyez de l'autre côté du chemin, demeurent, me dit-il, deux des femmes de mon père. La maison est divisée entre elles deux. Celle-ci, plus petite, comme vous le voyez, a été construite récemment pour un de mes frères qui vient de se marier. Il n'a encore qu'une seule femme. Quand il sera devenu plus riche, il en épousera une autre et bâtira probablement une seconde maison pour elle. Quant à tous ces bâtiments, ils servent à l'exploitation agricole de mon père, qui est très considérable. C'est exclusivement avec l'aide de mes frères et de mes sœurs que mon père fait valoir son exploitation. Mes frères lui servent de laboureur ou de moissonneur, suivant les saisons. Mes sœurs se partagent le reste de la besogne. L'une fait le beurre et le pain. Une autre s'occupe de la volaille et du poulailler. Une autre du jardin et des fruits. Celle avec laquelle vous causiez tout à l'heure de l'entretien du linge. Tel est le secret de la richesse croissante des Mormons. Ils travaillent en famille. Ils ne sont pas obligés, comme les gentils, de payer des frais écrasants de main-d'œuvre. C'est mon père qui administre tout et qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Voilà, pensais-je en moi-même, la famille souche idéale, tant préconisée par l'école de la réforme sociale et son illustre fondateur, Monsieur Le Clay. Quel malheur qu'il faille venir si loin pour la rencontrer. Il est vrai que la polygamie gâte peut-être un peu la chose. Mais baste, quand il s'agit de sauver la société, faut-il donc y regarder de si près? Après avoir visité les bâtiments de l'exploitation agricole, nous rentrâmes pour déjeuner. Cette fois, ce fut le jeune mormon lui-même qui dit les grâces, sans laisser ce soin au chapelain. Le pain et le beurre me parurent de la qualité la plus remarquable. et je ne manquai pas de le proclamer à la grande satisfaction de la jeune fille chargée de ce département. Après le repas, nous prîmes congé avec force remerciements, très simplement acceptés pour l'hospitalité si cordiale que nous avions reçue, et nous nous dirigeâmes vers la gare. Malgré toutes les instances que nous avions faites pour qu'il demeurât avec sa mère, notre jeune ami voulait absolument nous accompagner à Salt Lake City. Il tenait à nous présenter lui-même au président John Taylor, qui a remplacé Brigham Young à la tête de l'église des Saints des derniers jours. Salt Lake City est située à 1 heure environ d'Ogden, sur un embranchement de chemin de fer qui est en partie l'œuvre des Mormons. En attendant le départ du train, le chef de gare nous ouvrit son bureau et la conversation s'engagea bientôt entre lui, le chapelain et un troisième interlocuteur à l'air intelligent, mais fort grossièrement vêtu, les cheveux ébouriffés, la figure et les mains noires. Au cours de la conversation, le chapelain demanda si les Mormons croyaient avoir à se plaindre de quelques-uns des actes du Congrès de Washington. À cette question, l'interlocuteur inconnu prit vivement la parole. Nous n'aurions rien à dire si le Congrès ne s'était avisé d'édicter un bill contre la polygamie. Pourquoi vouloir nous empêcher de pratiquer la polygamie? Et nous estimons qu'elle est encore conforme à la loi chrétienne, comme elle était autrefois, conforme à la loi biblique. C'est une question de conscience individuelle que chacun a le droit de résoudre comme il lui plaît, et le Congrès n'avait pas à légiférer sur cette matière. Le chapelain n'ayant pas voulu soutenir la controverse, la conversation tomba sur ce sujet. Alors l'inconnu, se tournant vers moi, « Vous êtes français, monsieur, me dit-il. Je ne sais pas le français, malheureusement, mais je possède quelques livres français, traduits que j'admire beaucoup. Connaissez-vous les conférences sur le christianisme de monsieur Frayssinous ? Ne voulant pas avoir à rougir de mon ignorance devant ce mormon, je lui réponds intrépidement que je les connais. Ce n'est qu'à moitié vrai, car je ne les ai jamais lus. C'est, me dit-il, la plus belle et la plus solide apologie du christianisme que je connaisse, et écrite à un point de vue excessivement large. Catholiques, protestants et mormons peuvent s'en prévaloir également contre les incrédules. J'ai lu aussi quelques ouvrages plus modernes, entre autres « La vie de Jésus » de M. Renan. Mais ceux-ci me plaisent moins, je l'avoue. Je m'épuisais en conjectures pour deviner quel pouvait bien être ce personnage, si inculte d'aspect, si cultivé d'esprit. Lorsqu'un coup de cloche s'étant fait entendre, nous nous empressâmes de rassembler nos affaires. « N'ayez pas peur, nous dit-il en riant. Le train ne partira pas sans moi. C'est moi qui suis le cocher. » En effet, c'était notre mécanicien. Et quelques minutes après, nous le vîmes sur sa machine, du haut de laquelle il nous fit un signe d'amitié. Le trajet d'Ogden à Salt Lake City dure environ 1 heure. Pendant ce trajet, nous fîmes connaissance avec un juge du pays, appointé par le gouvernement fédéral, étranger par conséquent aux Mormons et pouvant en parler avec indépendance. Je lui demandai comment la polygamie ayant été interdite par un bill du Congrès, ce que je venais d'apprendre, les Mormons pouvaient cependant continuer à la mettre en pratique. Il m'explique que l'application de cette loi a été jusqu'à présent tenue en échec par l'impossibilité de trouver dans le territoire d'Utah des femmes pour porter plainte, des témoins pour déposer et des jurés pour condamner. Notre nouvelle connaissance est au reste très sévère pour les Mormons. Ce sont, nous dit-il, des gens licencieux et débauchés qui vivent dans la luxure. La polygamie ne sert qu'à cacher le désordre de leurs mœurs et la promiscuité des femmes qui règnent parmi eux. Ceci est quelque peu contraire à ce que le vieux Mormon nous a dit la veille. Aussi, j'insiste. Est-ce que lui demandai-je, indépendamment de la polygamie, qui est assurément un grand désordre, les mœurs des Mormons sont très mauvaises. Hier, nous nous sommes laissés dire que l'adultère et les naissances naturelles étaient inconnus parmi eux. Pour être juste, repartit le juge, on ne peut pas dire qu'ils aient précisément de mauvaises mœurs. Hommes et femmes se marient de très bonne heure, et les Mormons ont su très habilement persuader à leurs femmes que leur bonheur dans l'autre vie dépendait de celui qu'elles auraient su procurer à leur mari dans celui-ci. Aussi, leurs maris sont-ils les demi-dieux pour elles, les instruments de leur bonheur à venir, sans l'aide desquels elles ne sauraient parvenir à leur destinée bienheureuse. C'est à cause de cela qu'elles leur sont scrupuleusement fidèles, et comme juge, je n'ai jamais eu à connaître d'un seul cas d'adultère. C'est déjà quelque chose, ne puis-je m'empêcher de lui dire, d'autant plus que cette fidélité si peu payée de retour n'est pas sans quelque mérite. Mais est-il vrai également, comme ils le prétendent, qu'il soit très supérieur aux gentils sous tous les autres rapports et que les crimes soient très rares parmi eux? La population des gentils qui habitent le territoire d'Utah, reprit le juge avec un certain embarras, laisse quelque peu à désirer sous le rapport de la moralité. Ce sont très souvent des aventuriers qui viennent ici, comme ils venaient autrefois en Californie, attirés par les richesses minières du sol. Cette race de mineurs est toujours une race turbulente et cupide. L'ivresse, les rixes suivies de meurtres sont fréquentes chez eux, et je suis obligée de convenir que sur 10 crimes, il y en a 9 commis par des gentils. Mais je vous répète que c'est une population tout à fait exceptionnelle, et qu'il ne serait pas équitable de prendre comme terme de comparaison. Je ne voulus pas faire remarquer au juge que la sévérité de son jugement sur les Mormons ne me paraissait pas, d'après son propre témoignage, être tout à fait justifié par les faits, et notre arrivée à Salt Lake City mit un terme à la conversation. Pour peu que mes lecteurs entretiennent des idées aussi erronées que moi sur les us et coutumes des Mormons, ils seront peut-être désappointés d'apprendre que Salt Lake City, pour être leur entière création, n'en présente pas moins le même aspect que toutes les nouvelles villes américaines, des grandes rues droites sillonnées de tramways, des trottoirs très larges, des magasins plus ou moins vastes, quelques hôtels et beaucoup de petites maisons particulières. En été, cependant, l'aspect de la ville doit être agréable, car les rues sont presque toutes plantées d'arbres et arrosées par des ruisseaux d'eau courante. Mais au mois de novembre, lorsque les montagnes sont couvertes de neige, ce genre d'agrément n'est pas de ceux qu'on recherche le plus, et je ne puis dire que l'aspect de la ville m'est particulièrement séduit. Fin de la section 30, lue par Margot.